Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. J'existe par toi. Ma destinée vient de toi. Cette réunion vient de toi. Chaque être humain dans cette salle vient de toi. Chaque esprit vient de toi. Toute l'existence vient de toi. Oh mon âme t'adore. Adorable mystère. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, mon Dieu. Assis sur ton trône. Tel que tu es. Et ton règne s'étend sur la terre et dans tout l'univers pour faire le bien. Tu es allé de lieu à lieu faisant le bien. Guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Le Père était avec toi. Seigneur, bénis ces programmes. Première édition de Convention des hommes piliers. Je déclare ouvert à ton nom. La première convention. Les hommes piliers en 2021, que ce programme se produise et reproduise, et que mon rocher, ma forteresse, tu atteignes tes objectifs. C'est toi que nous venons chercher. Laisse-toi trouver à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous devant le Seigneur. Il y a deux ou trois personnes, bienvenues dans la première édition de la Convention des hommes piliers. Bienvenue, bienvenue. Dis avec chaleur, sois chaleureux. Et nous voulons accueillir de manière spéciale les sœurs et les mamans qui sont avec nous. Et si tu la vois à côté, tu la salues, tu lui fais. Tu as bien fait de venir. Karibu. Karibu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors notre thème pour aller vite. Mada yetu kwa kuenda haraka. Si Dieu devenait un homme. Mungu angegeuka kama Mungu angegeuka mwanadamu. Quand on m'a demandé de préparer le message sur pour ce programme, waliponiambia niandae ujumbe kwa ajili ya mpango huu. J'ai prié devant le Seigneur. Nilipambana sana, niliomba mbele za Mungu. Pour dire, Seigneur, tu veux dire quoi à tes fils? Mungu, napenda kuambia wana wako nini? Et ça a pris plusieurs jours. Na ilinichukua siku nyingi. Jusqu'à ce que mpaka wakati l'esprit dépose ça dans mon esprit. Roho aliweka hii ndani ya roho yangu. Va leur dire. Wendo kawaambie. Que depuis le commencement. Ya kwamba tangu mwanzo. Je suis mécontent. Sifurahi. De ce que l'homme est sur la terre. Ya ile ambayo mwanadamu iko duniani. Au point que na hata je risquerais de venir moi-même. Ninaweza kuja mimi mwenyewe. Parce que ce que j'ai prévu depuis le commencement. Sababu niliyoiandaa tangu mwanzo. Et ce qui se passe sur la terre. Na inayopitikana duniani. Ça n'a pas de rapport. Mambo hayako sawa. C'est là que le thème est venu. Na ni hapo ndipo mada ilitokea. Si Dieu kama Mungu devenait un homme. Angegeuka mwanadamu. C'est-à-dire, ni kusema, si Dieu kama Mungu venait entrer dans cet homme qui existe sur la terre angekuja kuingia ndani ya ule mtu ambaye iko duniani, commence à vivre comme Dieu directement. Na anaanza kuishi kama Mungu hapo hapo. Qu'est-ce qui arriverait? Nini ambao ungepasha kufika? Durant ces 3-4 jours, ndani ya siku hizi tatu ama nne, nous voulons réfléchir. Tunatamani kufikiri. Essayer de trouver tupime kupata les raisons sababu pour lesquels Dieu voudrait venir lui-même. Vous savez, quand la Bible dit, Jésus a donné la parabole. Il dit, un roi ou un grand avait un champ, il envoya son serviteur. Et les gérants qu'il avait laissés les tuèrent. Les gérants tuèrent l'envoyé du boss. Ule msimamizi wa shamba akauwa ule ambaye boss. Il envoya encore un second. Akamtuma wa pili. Ces hommes tuèrent encore l'envoyé du boss. Ule msimamizi akamua tena ule mtu ambaye boss. Jusqu'à ce que, mpaka wakati, après en avoir envoyé autant, kisa kuwatuma wengi, il envoya son propre fils. Akamtuma mwana wake yeye. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu ndiye anaongea. Il envoya son propre fils. Akamtuma mwana wake yeye mwenyewe. Et ce fils là. Na ule mwana. Ces hommes dirent. Ule wale watu. Ça y est maintenant. Hapa mambo imefika. Comme il envoie son propre fils. Sisi anamtuma mwana wake yeye. Nous le tuons. Tunamuua. Et nous prenons l'héritage. Na tunachukua urithi wote. Et le propre fils était Jésus. Na ule mwanake wa pekee ilikuwa ni Yesu. Pourquoi tu envoies ton propre fils? Sababu gani unamtuma mwana wako mwenyewe? Parce que j'ai envoyé des autres. Sababu nimewatuma wengine. Mais les gens que j'ai laissés là-bas. Lakini watu niliowaacha hapo. Ils fonctionnent autrement. Wanatumika kitofauti. Dieu, Mungu, a envie de venir lui-même. Anahitaji akuje yeye mwenyewe. Sur la terre. Hapa duniani. Et s'il venait, na kama angekuja, quelle serait la situation? Hali ingekuwa namna gani? Alors prenez ces 4, 5, 6 ou 8 textes. Mtachukua hizi andiko, nani? On vous projette Genèse chapitre 1, verset 26. Mwanzo moja 26. Et Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et 14. Yohana moja hadi 3 na 14. Ensuite, Hébreu chapitre 1, verset 1 à 3. Waibrania moja hadi 3. Et Apocalypse 21, verset 3. Ufunuo 21, mstari wa 3. Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Waefeso 3, 14 hadi 15. Et Romains chapitre 8, verset 16 à 21. Kisha Warumi 8:16 hadi 21. Notre effort durant ces quelques jours tutakayofanya muda wa siku consistera à essayer, tutapima, avec l'aide du Saint-Esprit, pamoja na kusaidizi wa Roho Mtakatifu, essayer de réfléchir avec vous, tutapima kufikiri pamoja nanyi, pour découvrir, ili tugundue, au travers de l'histoire, kupitia historia, et au travers des écritures, na kupitia maandiko, comment Dieu, namna gani Mungu, a eu la soif, alipata kiu, le fardeau profond, alipata mzigo ndani d'avoir kubo, sur la terre, ya kuwa duniani, une sorte de reproduction de Dieu, aina moja ya mazalio inayotokea qui kwa Mungu, se multiplierait en termes de famille, ambao itajizidisha kama vile jamaa, c'est-à-dire, inamaanisha, le Dieu qui est au ciel, Mungu ambaye iko mbingu, ayant voulu se reproduire, alipotamani kuzaa, il créa l'univers, akaumba ulimwengu, il existait depuis avant l'existence, alikuwa mbele ya kuwa, parce que c'est lui qui a engendré l'existence, maana ni yeye ndiye aliyezaa kukua. Et dans son temps d'existence libre, na ndani ya wakati wake ambao alikuwa anaishi kwa huru, il créa le temps, akaumba muda, il libéra l'existence, akaachilia kuwa kwa vitu. Et puis, na kisha, il décida, akaamua, de se reproduire, kujizalisha, de créer une famille, aunde jamaa. Et puis créa le ciel et la terre. Kisha kaumba mbingu na dunia. Et il choisit la terre. Na akachagua dunia. Déposa un être humain. Akamweka mwanadamu. Qu'on appelle homme. Ambaye wanamuita mtu. Pour les hommes piliers de l'arche. Kwa ajili ya wanaume nguzo wa kanisa hili. Ça c'est juste une révision, nous avons déjà parlé de ça, je ne vais pas beaucoup revenir. Mais c'est Dieu ici, lakini Mungu huyu, voulu se reproduire. Alipotamani kusawa kufanana naye. Et il imagina akafikiri comment il allait confectionner cet être. Ça serait quoi cet être-là? Namna gani atatengeneza huu mtu? En qui il va déposer lui-même? Ambaye ndani mwake ataweka yeye mwenyewe. Comment ça va être? Namna gani itakuwa? Et il se dit, je prépare d'abord les décors. Ninatengeneza kwanza mapambo. Il crée les cieux et la terre. Anaumba mbingu na dunia. Et puis il crée les choses qui devaient entourer la terre. Na kisa naumba vitu ambavyo vingepasha zunguka dunia. Et puis il fabrique toutes choses. Na kisa natengeneza mambo yote. Afin de préparer ili kwamba les lieux où il va déposer l'être en question. Nafasi ambayo ataweka ule mtu. Jusqu'à créer le soleil. Les étoiles et tout ce que vous connaissez. Mpaka kwa kuumba jua, pour que nyota na vyote mnavyovijua, quand il va fabriquer l'être qui va être sa reproduction, ili kwamba atakapomtengeneza ule mtu ambaye atakuwa anatokea kwake, awe na uhakika que le décor est bien planté. Ya kwamba mapambo vyote vinavyofaa. Et les choses vont bien marcher. Na kwamba mambo yataendeka vizuri. Au sixième jour, kwa siku ya sita, il créa l'homme. Anamuumba mwanadamu. Il créa l'homme. Akamuumba mwanadamu. L'homme en question, c'est toi ici. Ule mwanadamu ni wewe hapa. Tu peux acclamer ce privilège. Unaweza kushangilia hiyo fursa kubwa. En fait, unajua, c'est toi homme masculin qu'il a créé d'abord. Ni wewe mtu mwanaume ambaye alimuumba kwanza. Tu peux acclamer ce privilège. Unaweza kushangilia hiyo neema. Parce que c'est déterminant pour comprendre de quoi nous voulons parler. Sababu ni ya muhimu ili uelewe ni nini tunataka kuzungumzia. D'avoir été créé le premier. Neema gani kuwa uliumba wa kwanza? Seigneur, tu m'as créé le premier. Bwana, umeniumba wa kwanza? Yeah. Ndio. Je suis donc redevable. Nikusema nina mambo ambayo napaswa kuyafanya. Il déposa des responsabilités à cet homme-là. Na akaweka majukumu ndani ya ule mtu. Et puis les choses se développent. Na kisha mambo yakaendelea. Hallelujah. Amen. J'aimerais vous inviter mes frères. Ningependa niwalike ndugu zangu. Mes sœurs. Na dada zangu. À pouvoir comprendre ceci. Kuelewa hii. Que la parole que nous partageons. Neno tunalo lizungumzia. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Devient une réalité. Inakuwa ukweli. Lorsque nous la recevons. Wakati tunalipokea. Avec un cœur ouvert. Pamoja na moyo ambao uko wazi. Il est écrit dans Ésaïe 53 verset 1er. Imeandikwa ndani ya kitabu cha Isaïe. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nani aliamini? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani aliyetambua mkono wa Bwana? Il y a le bras de l'Éternel dans ce que l'Éternel parle. Kuna mkono wa Bwana ndani ya ile ambayo Bwana anasema. Dans Ézéchiel chapitre 2 verset 1 à 2, il est écrit. Ndani ya Ézéchiel 2 1 hadi 2 imeandikwa. Il me dit, fils de l'homme. Akaniambia mwana wa mtu. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Simama kwa miguu yako na nitaongea na wewe. Na shaili la pili. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entrant en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Lorsqu'il entendit la parole, quelque chose se passait en lui. La parole que nous allons écouter, la parole de Dieu, elle est vivante. Quand nous la recevons avec un cœur ouvert, nous devenons ce que la parole dit. Tu vas devenir ce que cette parole dit à la mesure où tu l'écoutes et la reçois de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie Naomba, qu'à la fin de ce programme, un homme pilier ninguzo, soit une toute autre personne. Alors commençons avec le premier chapitre. Je pensais qu'on y aille comme ceci, un essai de réflexion sur le thème. Tunaweza kupima kufikiri juu ya mada. Essai de réflexion sur le thème. Kipimo cha kufikiri juu ya mada. Hallelujah. Amen. Si Dieu devenait un homme. Kama Mungu angegeuka mwanadamu. 3 points de suspension. Nukta tatu zinazoendelea. Quel serait le portrait du monde si Dieu était l'homme qui est sur la terre en ce moment? Ni nini ingekuwa picha ya ulimwengu kama Mungu angekuwa mwanadamu? Si les hommes que tu vois kama wanadamu wanaume unaowaona serait Dieu directement, wangekuwa ni Mungu, quel serait le monde? Ulimwengu ungekuwa namna gani? Mais la question théologique se poserait en ces termes. Lakini swali la kitheolojia linaweza. Dieu a-t-il jamais eu intérêt de venir sur la terre? Je, Mungu ameshakuwa na faida ya kuja duniani? Quand vous lisez la Bible, unaposoma Biblia, de Genèse à Apocalypse, mwanzo hadi Ufunuo, vous allez repérer utaona, utatambua la soif kiu que Dieu ambacho, depuis avant le commencement, Mungu tangu mbele ya mwanzo, la soif que Dieu a eu kiu ambao Mungu alikuwa nayo d'être sur la terre, ya kukua duniani. En fait, de se retrouver sur la terre en question. Atikuti ndani ya ile dunia. Mais Seigneur, lakini Bwana, regardez, tazama, dans les temps les plus proches, ndani ya wakati ambao uko karibu, Matthieu 6, 9 à 13, Matayo 6, 9 hadi 13, il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Imandikwa, tazama jinsi mnapaswa kuomba. Qui parle? Nani anayongea? Jésus. Ni Yesu. Il dit, anasema, quand vous priez, dites, munapoomba notre semeni, Père qui est où? Baba yetu aliye wapi? Qui est où? Aliye wapi? Qui est où? Ki, iko wapi? Que ton nom soit jina sanctifié. Na litakaswe. Mais que ton règne vienne. Mais Seigneur, tu parles et tu es où? Je suis sur la terre. Non, si ton règne doit venir, est-ce que ton règne vient au ciel? Non, que ton règne vienne sur la terre. Mais reste là-bas, Seigneur. Que ton règne vienne. Où? Sur la terre. Duniani. Que ta volonté soit faite sur la terre duniani, comme elle se fait au ciel. Kama vile yanavyofanyika mbinguni. Ah bon? Hmm. Donc, la volonté de Dieu est bien faite au ciel. Ni kusema mapenzi ya Mungu yanafanyika vizuri mbinguni. Seigneur Jésus, tu es déjà sur la terre. Bwana Yesu, umeshakuwa duniani. Tu as donc l'impression ni kusema unafikiria kwamba que la manière dont ça se passe au ciel, ya kwamba namna inavyopitika mbinguni, depuis que tu es sur la terre, tangu uko duniani, tu constates que ça n'a pas de relation. Unagundua ya kwamba hayana ushirika. Na unasema, vous les hommes, nyinyi wanadamu, quand vous allez prier, mtakapoomba, dites, semeni, que ta volonté soit faite mapenzi yako yafanyike ici hapa, comme elle se fait au ciel. Kama vile yanafanyika et pour se faire mbouni, que ton règne là ufalme wako vienne ici. Uje hapa. Tu as vu quoi, Seigneur Jésus? Umeona nini, Bwana Yesu? J'ai vu nimeona des failles. Nimeona ya kwamba j'ai vu des vides. Nimeona kuko j'ai vu kuko patupu. Des incohérences. Nimeona mambo ambayo hayapatani. J'ai vu des choses qui tiennent pas. Naona vitu ambavyo havikamati. Vous voyez, mes frères? Unaona ndugu zangu? Donc le verset 9 et 10 nous dit, ni kusema shaili la 9 na 10 linatuambia, où nous révèle une profonde et lourde intention de Dieu de voir les choses se passer sur la terre comme elles se passent au ciel. Alléluia. Amen. Voici seulement il y a 2000 ans que Jésus a dit cette parole. Mais plusieurs milliers d'années avant, au commencement, le Créateur, Dieu, Yahweh lui-même, prononça une autre parole. En fait, aurait déjà prononcé la parole semblable. Comme pour vous dire, Jésus vient aujourd'hui, il y a 2000 ans, il constate des choses. Et il dit que ce qui se fait là-haut vient ici. Que ton règne là-bas vient ici. Parce que quand il créait le ciel et la terre, et quand il créait l'homme, il y avait l'intention de voir une sorte de reproduction des dieux, une sorte de réminiscence, une sorte de réalité divine. Se retrouver sur la terre. Et ce fut la motivation pour laquelle Dieu ne devait pas changer dans son être. Décidant de créer un autre être qui va être l'accomplissement de son rêve. Cet être-là, c'est toi. Au commencement, Dieu aurait prononcé la parole suivante, Genèse 1:26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image, verset 27. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, il leur dit, et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et puis dominez. Remarquez. De la Genèse à l'Apocalypse, nous remarquons un effort divin de reproduire Dieu sur la terre, comme si Dieu voulait devenir un homme. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est Dieu éternel, immuable, infini, omniprésent, tout puissant, qu'il ait l'intention de créer un être dans lequel il va se télécharger pour que ce que lui sait comme l'être Dieu, comme vile mtu Mungu, qu'il voyait ça aione sur la terre, hapa duniani, sur la terre duniani. Dans 1 Corinthiens 15:45, il est écrit, et Adam devint un être vivant, une âme vivante. Ndani ya Wakorinto wa kwanza 15:45, neno la Mungu linasema kwamba Adam kwa kuwa nafsi hiyo. Il est écrit, et Dieu fit de la boue et il est soufflant de son souffle dans cette chose là. Et elle devait un être vivant. Ndani ya kitabu cha Mwanzo 2:7, neno la Mungu linasema Mungu akamumba wanadamu kupitia. Alors la question demeure. Si Dieu devenait un homme, quoi pourrait-il se passer? Kama Mungu angekuwa mwanadamu, hilo ni swali. Si cela arrivait. Kama hiyo ingefika. Il y aurait eu raison, une raison. Kungekuwa sababu de le devenir. Ya kukua yeye. Il y aurait une motivation. Kungekuwa shabaha. Il y aurait eu un objectif. Kungekuwa shabaha. Quelle serait la raison? Tu le ferais pourquoi, Seigneur? Première raison. Il le ferait pour que cet homme-là soit le représentant du Créateur au milieu des créatures. C'est-à-dire les porteurs du contenu divin au milieu de la création. Les porteurs du contenu divin. J'aimerais que Dieu nous aide, Saint-Esprit aide nous à voir. Vous voyez l'univers. Vous voyez toute cette création-là. Dieu a déjà planté ça. Mais il choisit de créer quelqu'un là-dedans qui va être la vaisselle qui transporte Dieu. Ambaye atakuwa kama vile ile kikombe kinachombeba Mungu. Au milieu de toutes les créations. Miongoni mwa viumbe vyote. Oh Seigneur. Oh Bwana. Tes intentions sont insondables. Shabaha zako haziwezi kupimwa. Ces réalités ne peuvent que nous pousser à genoux et nous prosterner devant Dieu. Pourquoi tu n'as pas choisi les chimpanzés ou la gorille? Tu as choisi celui que je vais appeler Adam. Lakini akachagua ule ambaye atamuita Adam. Je disais il y aurait raison, une raison. Ningesema kwamba pangelikuwa na sababu. Le représentant de Dieu parmi la création. Mwakilishi wa Mungu serait le porteur de l'autorité de Dieu parmi la création. Anayebeba mamlaka ya Mungu miongoni mwa viumbe vyote. L'être humain. Ni kusema mwanadamu. Il transporte le contenu divin. Anabeba ndani mwake vilivyo ndani ya Mungu. Il transporte l'autorité de Dieu anabeba mamlaka ya Mungu sur la terre hapa duniani. Hallelujah. Amen. Et puis na kisha il devient akakuwa la famille de Dieu sur la terre, jamaa la Mungu duniani, une sorte d'extension de la divinité sur la terre. Ni kama vile endeleo la umungu hapa duniani. Dites avec moi extension de la divinité. Sema pamoja nami endeleo la umungu. Ça dit Dieu essaie de s'étendre sur la terre. Ni kusema kama vile Mungu anajiendelesha hapa duniani. Bwana sifiwe. Amen. Deuxième raison qui existerait. Sababu ya pili ambayo ingekuwa. Pour que Dieu devienne un homme. Ili kwamba Mungu awe mwanadamu. C'est que cet être homme, c'est Dieu homme. Ni kwamba uyu, sur la terre. Uyu Mungu ambaye ni mtu hapa serait duniani. La référence directe de Dieu sur la terre. Ou le point focal, ou la, c'est-à-dire quiconque veut voir Dieu ou savoir quelque chose sur Dieu n'a qu'à consulter cet être-là. Si les autres créatures veulent connaître Dieu, ils auront une référence directe là. Et cette référence-là, c'est Dieu, c'est l'homme. Et vous savez, dans Romains 8, 19 et suivant, il est écrit, même la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Les arbres, les lacs, les forêts, les animaux désirent rencontrer cet être référence de Dieu. Ils sont en recherche de la personne réponse de cette extension de Dieu sur la terre. Il le recherche. La création est à la recherche de l'homme. Uumbaji wote unamtafuta mwanadamu ambaye anakuwa endeleo la Mungu hapa duniani. Bwana sifiwe. Amen. Troisième raison pour laquelle Dieu deviendrait un homme. Sababu ya tatu ambayo ingepaswa acha kwamba Mungu anakuwa mwanadamu. C'est que cet homme là. Ni kwamba ule mtu devrait être l'être co-gestionnaire angepaswa kuwa mtu anayetawala pamoja humain et spirituel des objectifs de Dieu dans la création. Na wa kiroho anatawala shabaha za Mungu hapa ndani ya uumbaji. Hallelujah. Amen. Dans Genèse chapitre 2 verset 15 et suivant, il est écrit ndani ya Mwanzo 2 15 na kwenye cultivez la terre, imeandikwa mlime dunia, gardez la terre, mchunge dunia, tenez les transactions divines avec le Créateur sur la terre, c'est-à-dire les responsabilités spirituelles. Pose la question à mon frère qui est à côté de toi, dis-lui, si Dieu devenait un homme, qu'est-ce qui allait se passer? Pose-lui la question. Je vais vous présenter quelques 9 propositions. Nitawapatia mapendekezo 9. Ou supposition. Ama inakuwa kama vile majibu lakini za kipande. Qui arriverait? Ambazo zingepaswa kufika. Si Dieu était l'homme qui circule sur la terre. Kama Mungu angekuwa mtu ambaye anatembea hapa duniani. Celui que nous connaissons comme Dieu. Ni kusema ule ambaye tunajua kama Mungu. Serait l'homme que je vois devant moi ici. Angekuwa mtu ambaye ninaona hapa mbele yangu hapa. Serait l'homme que je vois devant moi là. Angekuwa ule mwanadamu ambaye unaona pale mbele. Serait la femme que je vois là à côté. Angekuwa ule mwanamke naye unaona pale pembeni. Regardez un peu le voisin. Angalia regardez-lui dans les yeux. Muangalie ndani ya macho. Essaye d'imaginer que c'est lui Dieu. Fikiria kwanza yeye ndiye Mungu. C'est lui Dieu. Yeye anakuwa Mungu. Qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana? La première assertion. Jibu la kwanza. Et si vous la trouvez vraie, na mukiliona kama ni kweli, vous pouvez dire amen. Unaweza kusema amina. C'est que premièrement, ni kwamba, kwanza, si Dieu devenait l'homme qui est sur la terre, Mungu angegeuka mwanadamu aliye duniani, la vie sur la terre serait différente. Maisha duniani yangekuwa si tofauti. C'est vrai, vous dites amen. Kama ni kweli semeni amina. J'ai pas entendu l'amen. Sikusikia amina. Deux. Ya pili. Si Dieu devenait l'homme qui est sur la terre, Mungu angegeuka mwanadamu aliye duniani, ton grand-père, babu yako, ton père, baba yako, ton frère, ndugu yako, ton fils, mwanako, serait devenu comme Dieu est. Wangekuwa kama vile Mungu alivyo. Parce que Dieu aurait décidé d'être dedans. Sababu Mungu angekuwa ameamua awe ndani mwao. Donc tu as un grand-père Dieu. Ni kusema una babu ambaye ni Mungu. Tu as un papa Dieu. Una baba ambaye ni Mungu. Tu as un fils Dieu. Una mwana Mungu. Tu as un cousin Dieu. Una binamu Mungu. Hey. Dans Ephésiens 4 12 13. Ndani ya Efeso 4 12 na 13. Est-ce que ça peut être possible? Je yaweza kuwezekana. Est-ce qu'on peut retrouver cette idée dans la pensée de Dieu? Si tunaweza kupata wazo hilo ndani ya mawazo ya Mungu. Il est écrit. Imeandikwa. Que vous soyez parvenus jusqu'à la stature parfaite de qui? Ili kwamba mufikie kwa kiwango cha kumfanana na Kristo. C'est-à-dire, inamaanisha ces hommes-là devenus Dieu seraient animés du genre de cœur dont Dieu vit, du genre de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, d'autorité, de puissance dont Dieu fonctionne. Wangekuwa na nguvu, uwezo, hekima, qui aurait cet homme à côté de toi, il serait en train de contenir les genres de sagesse, les genres de capacités, les genres d'intelligence, les genres de conseils dont Dieu fonctionne. Quel privilège! Parce que Dieu se serait multiplié. Sababu Mungu angejizidisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les hommes là, serait doté du genre de capacité dont Dieu fonctionne. Et imaginez tous ces hommes qui sont assis dans cette salle, animés du même genre de capacité de Dieu. Est-ce qu'il y aurait des problèmes sur la terre? Je pense que non. Voilà pourquoi Dieu est satisfait de ce qui se passe sur la terre. Troisième assertion. Si Dieu devenait l'homme qui est sur la terre, le monde satanique perdrait le contrôle sur les humains. Acclame le Seigneur. Vous voyez, si lui est Dieu, lui est Dieu, lui est Dieu, lui est Dieu, Satan va fonctionner où? Comment vous trouvez? Satan va perdre le contrôle. C'est fini. Du reste, Satan opère et réussit grâce à l'homme qui lui a donné de l'espace pour réussir. Sababu ya mwanadamu ambaye alimpatia nafasi ili kwamba atumie. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Le monde satanique, ulimwengu wa kishetani, perdrait le contrôle sur les humains. Ungepoteza uwezo wake, utawala wake juu ya wanadamu. Ce sont nos faillites. Ni kushindwa kwetu. Dans le plan initial de Dieu. Ndani ya mpango wa kwanza wa Mungu. Qui offre à Satan. Ndio inampa shetani. Des grandes opportunités d'opération. Mafursa kubwa, njia kubwa anazotumikia ndani. Cinquième assertion. Jibu la tano. Si Dieu devenait un homme. Kama Mungu angekuwa mwanadamu. Le développement de la vie sur la terre aurait pris une orientation différente. Kuendelea kwa maisha duniani ingekapata une orientation différente de celle que nous vivons. L'orientation de la vie sur la terre aujourd'hui est basée sur l'égoïsme, la destruction de l'homme par l'homme, la destruction de la nature, le triomphe du plus fort sur le faible. Lorsque le péché est entré, Genèse 4, 1 à 8, Caïn, vous connaissez l'histoire. Vous voyez l'orientation que le monde a pris. C'est la loi de la sélection naturelle. La loi du plus fort. Si Dieu devenait un homme, le monde cesserait de fonctionner de cette manière-là. 5. La gestion du patrimoine terre. Le patrimoine terre servirait à tous les humains, à tous les peuples et à toutes les nations. Vous voyez, quand viendra le règne de 1000 ans, wakati utawala wa miaka elfu utakuja, où Jésus-Christ sera lui-même le chef d'État de la terre. Ambapo Yesu Kristo yeye mwenyewe atakuwa rais wa dunia. Vous imaginez ce que ça va donner? Mnaona ile ambayo itakuwa? 6. Sita. La notion des inventions, la notion des technologies, la notion des affaires, biashara, serait motivée par la volonté de faire du bien. Vingekuwa na shabaha moja ambayo ni kutenda mema. Faire du bien aux hommes. Kutendea mema wanadamu. Et la volonté de la conservation du patrimoine terre. Na wakitafuta kulinda ile mali ambayo ni dunia. Alléluia. Amen. Dans Isaïe 5, verset 8, il est écrit. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'espace et qu'ils restent seuls dans le pays. C'est ça l'orientation actuelle lorsque Dieu n'est pas là. Pourtant, si c'est Dieu qui était là, on partirait de ce qui existe. À terme des inventions, à terme de technologie, on partirait de ce qui existe pour produire des solutions, mais tout en conservant l'existant. Tukilinda uzima. L'existant. Tukilinda vilivyo. Aujourd'hui, nous développons technologie. Leo tunaendeleza nous développons des affaires. Tunaendeleza biashara. En tuant l'existant. Tukiua vile ambavyo viko. Quelqu'un dit j'ai inventé. Kuna mtu anasema nimeunda kitu fulani. Mais son invention tue le reste. Lakini uundaji wake unaumbua vingine. Vous voyez l'homme comment il est tellement destructeur même par rapport à la nature et à l'écologie. Unaona jinsi mwanadamu anakuwa mharibifu sana na haribu hata mazingira. Si c'était Dieu qui était là, ngilikuwa ni Mungu ndiye ambaye iko. La terre ne prendrait pas une telle orientation. Ulimwengu dunia haingechukua mwelekeo kama nao. 7. Ya 7. La chute de l'homme. Kuanguka kwa mwanadamu n'existerait pas. Hakungekuwa. Car cet homme Dieu mana ule mtu Mungu, en Eden, ndani ya bustani Eden aurait choisi de manger de l'arbre de la vie et vivre éternellement. Angechagua kula ile mti ya uzima na naishi. Rappelez-vous frères et sœurs, kumbukeni ndugu na dada, en Eden, ndani ya Edeni, Dieu a pris soin Mungu alijikaza de créer quatre arbres. Akaumba miti ine. Le premier arbre, mti wa kwanza, arbre pour tes yeux. Ilikuwa muti kwa ajili ya macho yako. Yes, wa. Sio hivyo. Les arbres beaux à voir. Miti nzuri kwa kuona. Deuxième arbre. Muti wa pili. Arbre pour notre estomac. Muti kwa ajili ya tumbo letu. Bon à manger. Nzuri kwa kula. Troisième arbre. Muti wa tatu. Arbre pour vivre éternellement. Muti kwa ajili ya kuishi milele. L'arbre de vie. Muti wa uzima. Et quatrième arbre. Na muti wa ine. L'arbre de la mort. Muti wa kifo. Ou l'arbre pour mourir. Ama muti kwa ajili ya kukufa. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ni muti wa kujua mema na mabaya. Le jour tu mangeras, tu mourras. Imeandikwa siku utakapoikula utakufa. Hallelujah. Amen. Malheureusement. Bahati mbaya. Le premier homme sur la terre. Muti wa kwanza duniani. Parmi les quatre arbres. Kati ya hizi miti zote ili. Il choisit. Akachagua. L'arbre de la mort. Il est moti wa kifo. Et nous subissons les conséquences jusqu'à ce moment. Na mpaka leo tunaishi. Huitième assertion. Jibu la nane. Si Dieu était devenu homme, Mungu angekuwa, la qualité de la nature physique, notre nature physique, hali ya asili yetu, la nature physique de l'homme, ya asili ya mwili ya mwanadamu, ne se détériorerait point. Hainge haribika. Car même la mort, sababu hata kifo, ne serait pas là. Haingekuwa. Le vieillissement, kuzeheka, les maladies dans nos corps, magonjwa ndani ya miili zetu, sont des indices, inakuwa ni alama, que la mort avait été accueillie sur la terre. Ya kwamba kifo kilipokelewa duniani. Ce sont les œuvres de la mort dans la chair. Inakuwa ni kazi za matendo ya kifo oh, ndani si ya mwili. Dieu était l'homme sur la terre en Eden, il choisirait l'arbre de vie et la mort ne serait pas là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça voudrait dire chaque fois qu'un enfant naîtrait, inamaanisha kila wakati ambapo mtoto angezaliwa, ce serait parti pour l'éternité. Ingekuwa basi ni umilele. Tu nais et tu es là, c'est fini. Unazaliwa na basi imeisha. Combien ça serait beau quoi. Oh, ingekuwa mzuri na kupendeza. Et donc toi, ni kusema wewe, tu serais pas en train de vieillir. Ungekuwa uko na zeka. On grandirait jusqu'à un certain seuil, j'imagine. Tungekomaa hadi kimo fulani na fikiria. Et puis on resterait comme ça. Na kisa tungebakilia tu hivyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La neuvième assertion. Jibu la tisa. Et je pense que ça c'est une révélation. Na nikiwaza hii ni ufunuo. C'est que toute la quantité d'écriture dans la Bible. Ni kwamba hii masomo maandiko yote ndani ya Biblia. Relative à la chute. Yanayoambatana na relative au salut de l'homme. Yanayoambatana na relative aux efforts de l'Éternel de sélectionner une famille Abraham. par lequel, par laquelle le Sauveur viendrait. Toutes ces écritures concernant l'œuvre du salut, concernant la propagation du message de la mort et la résurrection de Christ, concernant les affaires de la tribulation, les affaires de Gog et Magog, de l'Antéchrist, concernant les affaires du jugement dernier, toutes ces écritures-là seront gommées de la Bible. Avez-vous vu ça? Qu'est-ce qui reste de la Bible? Chapitre 1 et chapitre 2 seraient notre Bible. Sura ya kwanza na ya pili ndiyo ingekuwa Biblia yetu. Amen. Ça serait pas si lourd comme ça. Haingekuwa nzito hivi. On peut acclamer le Seigneur. Tunaweza kumshangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde un peu, regarde dans ta Bible. Angalia kwanza ndani ya Biblia. Ta Bible serait chapitre 1 et chapitre 2. Biblia yako ingekuwa sura ya kwanza, sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo na basi. Parce que chapitre 3 c'est la chute. Sababu sura ya tatu inakuwa ni kuanguka tayari. Avec tous les entraînements jusqu'à l'antéchrist, jusqu'au temps de tribulation, jusqu'à l'enlèvement, toutes ces choses-là ne seraient pas là. Na mambo yote yaliyokuja baadaye yote haingekuwa ndani ya Biblia. Est-ce que vous vous rendez compte? Je mnagundua hii? Si Dieu devenait un homme. Kama Mungu angegeuka mwanadamu. Et donc la vie sur la terre aurait d'autres pôles d'intérêt. C'est-à-dire notre vie sur la terre là. La chute n'a pas eu lieu. Kuanguka haikukua. La vie aurait d'autres pôles d'intérêt. Il y aurait d'autres formes d'intérêt sur la terre. Kungekuwa faida ya aina nyingine ambazo tunazozifuatilia. La sueur Jasho est arrivé. Imefika. Les malheurs sont arrivés. Ole, les condamnations sont arrivées. Hukumu les voies de sortie ont été développées par l'Éternel. Les tentatives d'essayer d'aider l'homme par la loi. Kutafuta kumsaidia mwanadamu kupitia et c'est des écrits, c'est des pages, c'est des livres, jusqu'à Apocalypse. Bwana asifiwe. Amen. Voilà ce qui explique la gravité de la chute de l'homme et de l'insatisfaction de Dieu par rapport à l'homme qui est sur la terre. Au commencement, Mwanzoni, l'idée de Dieu waso la Mungu est que Dieu ni kwamba Mungu se reproduit sur la terre. Ajilete hapa duniani. L'idée de Dieu waso la Mungu c'est que les choses se passent sur la terre ni kwamba mambo yapitikane comme duniani. Si c'était Dieu lui-même sur la terre. Ni kama vile ni Mungu yeye mwenyewe et duniani. Dieu lance les bases. Na Mungu analeta misingi. Malheureusement, bahati mbaya, l'homme choisit mwanadamu anachagua le contraire. Iliyo kinyume. Et nous sommes ce que nous sommes. Na tuko ile ambayo tuko. Dieu, Mungu, vas-tu devenir un homme? Je utakuwa mwanadamu. Je remonte au commencement de mon message. Ninarudilia kwa mwanzo wa ujumbe wangu. Au lieu pahali que Dieu kwamba vienne lui-même sur la terre physiquement. Pale Mungu akuje yeye mwenyewe duniani. Il aurait choisi angechagua de créer un être. Amuumbe mtu qui allait à qui il allait élever au rang de Dieu. Au lieu que moi, Dieu, je vienne sur la terre, je lance une créature que je vais élever au rang de Dieu. Et cette créature, je vais mettre de moi-même dans cette créature. Cette créature va accomplir sur la terre ce que je rêvais, moi l'Éternel. Mimi Mungu. Mais cette créature, lakini kiumbe hicho, élevée au rang de Dieu, ambacho kimeinuliwa kuangaza, devrait fonctionner kingepasha tumika avec des standards élevés. Kingepasha tumika na kanuni za juu. Des standards élevés. Kanuni za juu. Je voudrais partager rapidement. Ningependa nizungumze haraka sur ces standards élevés. Dieu a kanuni hizi zilizojo. Et c'est au deuxième chapitre, le rêve divin. Na ni kwa kipengele cha pili ambacho ni mafikiri ama mawazo ya Mungu. Alleluia. Amen. Un standard élevé en trois dimensions. Kanuni zinazoinuliwa kwa viwango. En nature. Ndani ya standard élevé en nature. Standard élevé en système de fonctionnement. Et troisièmement, standard élevé en esprit. Et ces trois standards qui sont attendus de l'homme, les voici. Regardez. En nature. Dans Hébreux chapitre 1, versets 2 et 3, 2 à 3, il est écrit, Dieu dans ces derniers jours, le verset 1 dit, après avoir par plusieurs reprises, etc., Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé le monde. Regardez la suite. Et qui, virgule, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, il soutena toute chose par sa parole puissante et ci-dessus. Jésus-Christ vient sur la terre. Vous voyez, Adam, le premier Adam est venu. Les choses se sont gâchées. Jésus, Dieu a créé les voies et moyens pour essayer de racheter la situation. Et il envoie son propre fils qui vient du ciel. Dieu, Mungu, il prit la chair dans une vierge. Il naît à Bethléem. Il grandit à Nazareth. Anakomalia Nazareti. Il monte à la croix à Jérusalem. Anapanda msalabani Yerusalema. Il est le reflet de sa gloire. Yeye ni picha ya utukufu wake. Il est l'empreinte, le cachet. Yeye ni chapa, il est muhuri. La trace. Yeye ni chapa. Il est les traces, les empreintes. Yeye ni chapa. De la personne de Dieu. Ya utu wa Mungu. Seigneur, Buana, tu voulais donc que nous qui sommes sur la terre, ya kwamba sisi tulio duniani, depuis le commencement, tangu mwanzo, nous ayons été tuwe le reflet tulikuwa de ta gloire. Picha ya Mungu. Nous ayons été tuwe tulikuwa l'empreinte de ta personne. C'est pourquoi, au commencement, tu nous créas à ton image, selon ta ressemblance, afin que nous accomplissions la mission et que nous développions. Nous développions les choses que tu as préparées à réaliser sur la terre au travers de l'homme. Alléluia. Amen. Mais vous allez me dire, mais pasteur, ça c'est Jésus, c'est normal. Huyu ni Yesu ni kawaida. Mais regardez dans Éphésiens 4. Que nous soyons tous parvenus, verset 13, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Remarquez ceci. Je reviens. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et connecteur na à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Kwa umoja wa kumjua mwana wa Mungu. Et le concept connaissance ici na hii neno la kujua hii wanayoitumia a le sens en grec ginosko inamaanisha ndani ya kigiriki ginesko qui consiste en ambayo inamaanisha connaître kujua pour devenir ce que nous connaissons ili tugeuke ile ambayo sisi tunajua. Jean 17, 3. Yohana 17, mstari wa car la vie éternelle ana uzima wa milele, et qu'il te ginosko. Ni kwamba waku ginesko. Toi, le seul vrai Dieu wewe Mungu wa kweli, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Na ule uliyemtuma Yesu. La vie éternelle uzima et qu'il te connaisse. Ni kwamba wakujue. Qu'il te ginosko. Waku ginesko. C'est-à-dire ya amanisha, la connaissance kujua qui nous amène à devenir ce que nous connaissons. Et Paul dit que nous soyons parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire à la ginosko du Fils de Dieu, c'est-à-dire devenir le Christ. Et puis regardez la suite. Et dit à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à l'état d'homme fait. L'homme fait, c'est qui? Mwanadamu ambaye amefanyika ni nani? À l'état du vrai homme. Kwa hali le ya vrai mtu homme wa kweli, que j'ai imaginé au commencement. Mtu wa kweli ambao niliyemfikiria tangu mwanzo. Et c'est ces choses qui haya conduisent à la stature parfaite de Christ. Ndio yanatupeleka kwenye kimo kamilifu cha Kristo. Hallelujah. Amen. Et cette nature parfaite na hiyo kiwango cha kikamilifu ne se vivra pas au ciel. Hatutakiishi mbinguni. Je vous ai dit, il y a changement de carte. Nimewambia mambo yamebadilika. Au lieu que Dieu vienne lui-même, bahali Mungu akuje yeye mwenyewe, il a dit, amesema, j'envoie l'homme là-dedans. Na mtuma mtu humo. Et cet homme-là na ule mtu va vivre Dieu. Ataishi Mungu. Va devenir Dieu. Atageuka Mungu. Sur la terre en question. Hapa duniani. Cet homme-là ule mtu va devenir le reflet de la gloire. Atakuwa ni cet homme va devenir l'empreinte de la personne de Dieu. Atakuwa ni chapa ya uchi wa Mungu. Durant tout son séjour sur la terre. Dani ya wakati wote. Vous savez pourquoi Jésus, en parlant lorsqu'il marchait avec ses disciples, unajua sababu gani Yesu anapoongea, il répond à Philippe dans Jean 10, 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Anasema mimi na baba ni wamoja. Qu'est-ce que tu veux dire? Wahitaji kusema nini? Le Père est au ciel. Baba si iko mbinguni. Moi ici sur la lakin terre et le Père là au ciel, duniani, nous sommes un. Na baba uko mbinguni, tuko et dans Jean 14, 9 il dit, ya Yohana 10, celui qui m'a vu a vu le Père. Aliyeniona ameona baba. Dites à ton voisin, ambia jirani yako, celui qui t'a vu a vu Dieu. Je, aliyekuona ameona Mungu. Demande-lui la question. Muulize ile swali. Frère, celui qui t'a vu a vu Dieu. Je ula ambaye amekuona ameona Mungu. Je ne sais pas si nous mesurons les attentes, les attentes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Fils unique venu du Père. Ni mwana wa pekee aliyetokea kwa baba. Il est sur la terre. Iko duniani. Il vient sauver l'humanité. Anakuja kuokoa ulimwengu. Il veut dire, anakuja kusema, moi sur la terre ici. Mimi hapa duniani hapa. Si vous cherchez Dieu, mukitafuta vous m'avez trouvé. Mumenipata tayari. C'est-à-dire, ni kusema, l'idée initiale, wazo la kwanza, depuis le commencement, tangu mwanzo, ressemblerait lingefanana à ce que vous palpez maintenant. Na ile ambayo mnaiona sasa. Voyez, Ce jeune homme, Jésus, Yesu, à l'âge de 12 ans dans les temples avec les anciens, il parle. Il explique les choses de Dieu. Et les anciens s'étonnent. Ils disent, mais petit ou outiwa? Tu es un petit nini. Tous ces vieillards ont oublié pendant 3 jours de lui poser la question. Et tes parents sont où? Tu dors où? Ils étaient tellement dans la présence de cette tête qui est venue là-haut. Pourtant, c'est de ça que vous, les anciens, vous devriez être ce que cet enfant est là. Vous devriez être ça. Et ils jouissent de la présence du jeune homme. Alléluia. Amen. Que le monde commence à jouir de ta présence dans ta famille, de ta présence dans ton église, de ta présence dans ton entreprise. Qu'ils sentent Dieu. Qu'ils sentent que Dieu est là. Souvenez-vous des disciples de Maus. Ils marchent. Il y a un monsieur qui les arrête. Ils viennent de Jérusalem. Et puis un monsieur leur pose la question. Vous parlez de quoi? Et ils lui disent, mais toi là. Tu es le seul ici là. Qui ne connaît pas ce qui se passe. Mais c'est Jésus, non? Il prétendait que... Et puis on l'a crucifié, mais il y a 3 jours, il est dans la tombe. Ok. Sawa. La Bible dit. Bible nasema, et le Messie en question ule, commence à leur expliquer les Écritures. Maandiko, depuis le commencement. Tangu mwanzo, depuis les prophètes. Tangu manabi, il leur explique. Anawafasiria. Et puis ils arrivent. Na kisha wanafika, ils commencent à sentir que. Wanaanza kusikia kwamba, ce Messie ici, en fait, c'est qui là? Wana huyu ni nani? Ils sentent Dieu. Wanasikia Mungu. C'est ça qui devait se passer chaque jour dans ton existence. C'est ça que Dieu attend. Et quand il va rompre le pain et il disparaît, c'était lui. Écoutez ce qu'il dit. Et nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il parlait? Je vais te poser la question. Les cœurs des voisins avec qui tu marches brûlent quoi? Ils sentent quoi? Est-ce pas qu'ils sentent ton impudicité? N'est-ce pas qu'ils sentent ton cœur méchant? Ils sentent tes bêtises, ils sentent c'est bizarre. Ovio. Ils ont envie de... Or, c'est ça que nous vivons sur la terre. Dans ton quartier, quels sont les voisins qui ont déjà senti que tu es enfant de Dieu? Nous sommes pasteurs, n'est-ce pas? Dans notre quartier, combien de voisins ont déjà senti que nous étions pasteurs? Qu'est-ce que les gens ressentent lorsqu'ils se frottent à nous? Nini ambao inatugusa? Notre orgueil? Jeni kiburi chetu? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Nini ils sentent Dieu? Je wanasikia Mungu? Pourtant, c'est tout ce que Dieu attend. Ijapokuwa hiyo ndio Mungu anangoja. Être sur la terre, kuwa dunia, le reflet de sa gloire, picha ya utukufu, l'empreinte de sa personne, chapa ya utu, la stature parfaite de Christ, kiwango cha ukamilifu wa Kristo. Seigneur, aide-moi. Bwana, nisaidie. Viens toi-même vivre en moi alors. Njoo wewe mwenyewe basi ushindani mwangu. Et Dieu dit, attends. Na Mungu anasema, tu veux que je vienne comment encore? Unapenda nikuje tena namna gani? Dès le commencement. Tangu mwanzo. J'ai déposé en toi de moi-même. Nimeweka ndani mwako yangu mimi mwenyewe. C'est vrai, la chute a tout gâché. Hakika kuanguka imeharibisha. Et puis tu as reçu Jésus. Na kisha umempokea Yesu. Mais le Jésus en question ule est venu arranger les effets de la chute. Amekuja tengeneza ile. Mais depuis que Jésus est dans ton cœur, lakini tangu Yesu kumwona, es-tu devenu le reflet de sa gloire? Je umegeuka l'empreinte de sa personne. Chapa ya utu wake. La stature de Christ. Kimo cha Kristo. Certains textes dans la Bible, nous les lisons comme des illusions. Maandiko moja ndani ya Biblia tunazisoma kama c'est des histoires. Hii ni mahistoria hii. Niko sabi ni bia kiroho ni bila kwa ni bia kiroho huko. C'est trop spirituel. Alors que Dieu attend ça. Ijapokuwa Mungu anaingoja. Dieu attend ça. Mungu anaingoja. Hallelujah. Amen. Dans le psaume chapitre 82, verset 6 et 7, il est écrit. Ndani ya Zaburi, makumi nane na mbili, sita hadi saba imeandikwa. J'avais dit. Nilisema. Vous êtes des dieux. Nyinyi ni wa Mungu. Saluez le Dieu qui est à côté de toi. Salimu Mungu aliye pembeni yako. Est-ce que ça entre? Je vous ai dit, si nous recevons ce message avec un cœur ouvert et que nous connaissons ce que Dieu est en train de nous dire, Ginesco, nous allons devenir ce que nous sommes en train de comprendre. Alléluia. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Maintenant, le Très-Haut agende quel genre de fils de bassesse? Si un Très-Haut agende des fils, ces fils sont comment? Wale wana ni wana namna gani? Ils sont très hauts comme leur père. Ni sana kama baba. Est-ce que tu as déjà imaginé quelle est ta stature? Quelle est notre stature? Vous êtes yetu. Des fils du Très-Haut. Nini ni wana wali. Vous êtes des dieux. Well, nini ni Mungu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Aide-nous à le comprendre. Dans Jean 1:12, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Naître de quelqu'un signifie être engendré par lui. Kuzaliwa tokea mtu ni kusema umezaliwa na yeye. Être reproduit par lui. Umezaliwa na yeye. Et quels sont les éléments qui constituent cette nature divine en l'homme? Na ni nini mambo ambayo inaunda hii asili premier élément ya mwanadamu? Jambo la kwanza, c'est l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Ni picha na mfano wa Mungu ndani mwetu hapa duniani. Genèse 1:26-27. Yohana 1:26-27. Deuxième élément. Kitu cha pili. C'est l'homme ayant libre arbitre. Ni mwanadamu ambaye ana uhuru wa kuamua. Genèse 2:17. Yohana Mwanzo 2:17. Ce qui rend l'existence agréable et qui donne à l'existence un sens, c'est le libre arbitre. Inayofanya kwamba maisha ikuwe nzuri ni ile uhuru wa kuamua ndani mwako. Troisième élément. Jambo la tatu. Homme fils du Très-Haut. Mwanadamu ambaye ni mwana. Psaume 92:7. Zaburi Dieu comme père. 18:2 mstari wa 7. Mungu kama baba, et tous les humains na wanadamu wote, comme fils et filles kama vile wana na ayant un même père, ambao wanakuwa na baba mmoja, ayant une même source, ni kusema ambao wanakuwa na chemichemi ya machanzo kimoja, Dieu ambaye ni Yahweh Mungu. Quatrième élément, kitu cha ine, homme éternel, mwanadamu wa milele, créé pour une éternité de gloire, ambaye ameumbwa kwa ajili ya umilele wa utukufu. Cinquième élément, na jambo la tano, homme chargé de responsabilité envers la création. Bref, cette image de Dieu en nous, cette empreinte de Dieu en nous, cette stature parfaite de Christ en nous, fait que l'homme devienne un être capable d'être porteur de Dieu ou du divin sur la terre. Fait de l'homme un être capable d'interagir avec Dieu, son créateur. Un être capable de devenir enfant de Dieu. Un être capable de vivre éternellement avec Dieu. Un être capable de représenter Dieu sur la terre et dans la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se limiter ici pour aujourd'hui comme le temps est fini. Bref, frères et sœurs, Dieu, Mungu, devenir un homme, il a travaillé sur ça autrement. Il nous a plébiscité. Il nous a promis pour devenir nous sur la terre, devenir Dieu à sa place sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est possible. Na inawezekana. Message inawachokesha. Le message vous fatigue. Levons-nous un instant. Tunaweza kusimama kwa muda. Nous voulons prier un instant. Tunatamani kuomba kwa muda. Bwana sifiwe. Amen. Aide-moi Seigneur. Unisaidie Bwana. Qu'est-ce qui va se passer? Nini tapitikana? Seigneur, tu as été longtemps mécontent. Bwana umekuwa siku nyingi bila. Est-ce que tu peux commencer avec moi? Je unaweza anza na mimi. Seigneur, est-ce que je peux devenir la réponse de ton rêve? Je bwana naweza kuwa jibu la mafikiri yako. Seigneur, est-ce que tu peux commencer à être satisfait à partir de moi? Je bwana unaweza anza kutosheka kuanzia mimi. Seigneur, Bwana, est-ce que tu peux faire quelque chose avec moi? Je unaweza kufanya kitu pamoja nami. Commence à prier. Anza kuomba. Quelqu'un prie. Kuna mtu anaomba. Quelqu'un prie le Seigneur. Que prie le Seigneur. Kuna mtu anaomba Bwana. Que prie le Seigneur. Kuna mtu anaomba Bwana. Le mon sauveur. Seigneur, fais quelque chose avec moi. Seigneur, fais quelque chose. Je veux être. Quelqu'un commence à parler à... Parle au Seigneur. Nous sommes concernés par l'invitation divine. Oh Dieu, mon Dieu, être le reflet de ta gloire sur la terre, être l'empreinte de ta personne sur la terre. Est-ce que tu peux commencer avec moi, Seigneur? Ne veux-tu pas commencer avec moi? Commence avec quelqu'un ce soir. Kamashé karababush, kebasha karabaketse karibush, sketi karabash. shika yokisi la ba ba ba shanta ra ba ketoko je la go la bo shaka ya kada ba ba kere agaga bunda ra bo shara ba ya kere ya le se le go la bo she ina go she ta karibu le ana ima ya bo shente le kate kata ga la ga la ga la ga la ga la ga li bo la ga Babo shela la kere a de ole a se da ka ta ka Chaya ta kere le gororo borore da ba te anana du sha ta la la Eka pa ka ta ta ta ta ka ta ka shera ba ma sheke ri go ne Kere babo shela la go se Kere ya ba ba ba sha ta la ka la ba ba Katakaraba, shete, katakaraba. Touche mon cœur, Seigneur. Touche mon âme, touche mes pensées, touche-moi dans l'être intérieur, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce soir, touche-moi, oh mon Dieu. Touche-moi, Seigneur. Rocher de mon salut, touche-moi. Touche-moi, oh Yahweh. Bien-aimé, Mpendwa, nous voulons prier. Tunatamani kuomba. La première prière que nous voulons faire, ombi la kwanza tutakalolifanya, c'est de demander à Dieu d'ouvrir notre esprit. Je ne sais pas si comme moi vous vous rendez compte d'une réalité. Ce message demande beaucoup à nous. Et c'est tout ce que Dieu recherche dans cette génération. Jésus revient bientôt. L'enlèvement aura lieu. Mais quelqu'un pourrait se faire un vœu et dire, Seigneur, avant que l'enlèvement arrive, je vais vivre ça. Je vais être ton porteur. Je vais être le porteur de la divinité. Je vais vivre ça, Seigneur. Je vais être ta référence. Je veux que tu sois satisfait, Seigneur. Les bons nommés ensemble. Dites avec moi, Père. Je ne savais pas que tu avais un problème. Or, au commencement, c'est ceci que tu voulais. Merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as aidé à le comprendre. Mais c'est difficile. Mon esprit est lourd. Mon intelligence est lourde. Ma compréhension est lente. Ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Tu l'as fait avec les apôtres. Tu as ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ensuite, ils t'ont servi. Et l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Ce soir, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Afin que je comprenne les Écritures. Que je comprenne tes attentes. Et que je devienne ce que je comprends. Au nom de Jésus-Christ, mon rocher, ma forteresse, je suis disposé. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Durant ces 4 jours, prends-moi en charge. Au nom de Jésus. Amen. Amen.